Kanyangi. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Près de 10 000 Congolais ont été accueillis au Burundi sur 3 jours du 14 au 16 de ce mois et près de 80 étrangers ont été refoulés, dit le ministre de l'Intérieur en conférence de presse ce lundi. Et face à l'augmentation du mouvement de ces Congolais, le Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi, HCR, promet assistance. La stigmatisation des personnes vivant avec handicap mental conduit à la rechute, déplore la chargée des soins au centre neuropsychiatrique de Kamenge, qui appelle la communauté à aider ces personnes. Dans cette édition, on se rend en commune Lugombo de la province de Cibitoke pour parler des difficultés auxquelles font face les femmes commerçantes faisant le commerce transfrontalier. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Douayo. La radio de l'avenir. Bienvenue encore une fois. Le Burundi a déjà accueilli près de 10 000 réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo du 14 au 16 de ce mois. Dans un communiqué du ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique de ce lundi, le ministre Martin Niteretse a indiqué que ces réfugiés sont acheminés dans des camps de transit de Gihanga en province Bubanza et Chichemere en province Cibitoke. Après identification, les réfugiés sont transférés vers les camps de réfugiés. Le ministre Martin Niteretse dit que près de 80 étrangers ont été refoulés après des fouilles exécutées ces derniers jours dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura par la police en vue de vérifier la régularité de ces étrangers dans le pays. Il précise que cela n'a rien à voir avec la crise qui sévit en République démocratique du Congo. On l'écoute. Le Burundi a déjà accueilli à peu près 10 000 personnes qui fuient en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo, notre voisin. Ceux qui fuient passent par la frontière officielle de Gatumba ou traversent la rivière Rusizi dans certaines localités des provinces de Bubanza et Cibitoke. En pareilles circonstances, ces personnes en situation de fuite se présentent en plusieurs catégories. Ainsi, le Burundi a pris la décision de les rassembler d'abord dans les centres d'accueil de Gihanga en province de Bubanza et en province de Cibitoke pour passer à l'identification en vue de séparer les militaires éventuels des civils, les malades et les bien portants, les enfants, les femmes enceintes, etc., afin de continuer à les assister séparément. Puisqu'il s'agit d'une situation imprévue, le Burundi est en train de collaborer avec le système des Nations Unies, notamment le HCR, pour que les problèmes qui se manifestent dans l'accueil de ces individus voisins en situation de fuite puissent être résolus convenablement. Nous profitons de cette occasion pour informer le public qu'il y a aussi une activité de routine de la police nationale de vérification de la régularité de séjour des étrangers se trouvant au Burundi. Je parle bien de tous les étrangers qui se trouvent sur le sol burundais. Une opération qui n'a rien à voir avec cette situation belliqueuse qui prévaut actuellement en RDC. Face à cette situation, une réunion a été tenue dans l'après-midi de ce lundi à l'endroit des intervenants dans le domaine des réfugiés. Et à cette occasion, Brigitte Mkanga Eno, représentante pays du Commissariat pour les réfugiés HCR au Burundi, a promis assistance d'urgence à ces réfugiés congolais. Suivez ces précisions. Il y en a qui viennent depuis Goma, depuis Sake, depuis Bukavu et d'autres localités, et qui ont marché pendant plusieurs jours. Des femmes, des enfants, des vieilles personnes qui traversent avec des moyens très précaires la rivière, et beaucoup de malades parmi eux après ces jours de traversée. Et donc la communauté est maintenant mobilisée pour pouvoir assister ces personnes qui sont en train de traverser. Et nous apprécions énormément la coordination que nous avons avec les services de l'État, notamment l'immigration, ONPRA, la DGR et tous les services de l'État qui sont en train d'accueillir ces populations. Et dans les jours qui viennent, comme vous l'avez dit, il y aura le gouvernement va déterminer un site où ces personnes pourront être. Et des personnes guéries de la maladie mentale font des rechutes suite à la stigmatisation vécue dans la communauté. Docteur Marie-Neige Kaneza, chargée des soins au centre neuropsychiatrique d'Okamenge, l'a dit ce lundi dans une conférence de presse organisée par ce centre en collaboration avec d'autres centres intervenants dans le secteur de la santé mentale. Et c'est sur la sensibilisation à la lutte contre la stigmatisation. Docteur Kaneza interpelle la communauté à faciliter les activités quotidienne de ces personnes suivies. Les patients sont stables, ils sont stabilisés, on les laisse rentrer. Et après des courtes périodes, on trouve que les patients nous reviennent en état de rechute. Et la plupart des fois, lorsque nous avons à interroger ces patients, les patients nous révèlent les motifs ou les raisons de leur rechute. Et on se rend compte que la plupart des patients n'ont pas pu tenir face au poids de la stigmatisation. Quand on parle de stigmatisation, il faut entendre par là les gens qui sont écartés de la vie de tous les jours. Au niveau des familles, ils sont mis à l'écart lors de la prise des décisions, par exemple. Leurs idées ne sont pas prises en considération. Il y a d'autres formes de stigmatisation où les patients sont chassés ou renvoyés de leurs emplois juste parce qu'ils sont malades mentaux, alors qu'ils sont stabilisés, qu'ils peuvent maintenant reprendre leur activité de tous les jours. Il y a une autre forme de stigmatisation où, par exemple, pour les couples, ça se fait le plus souvent chez les femmes, où lorsqu'elle est malade mentale, le mari chasse sa femme avec le soutien de sa famille. Il y a plusieurs formes de stigmatisation, mais je dois avouer que pour nos patients, le poids de la maladie devient plus léger que le poids de la stigmatisation. Qu'est-ce qu'ils doivent faire justement pour bannir ce comportement? C'est qu'ils puissent accepter le patient et l'intégrer dans la famille. Étant donné que le patient est stabilisé, il peut continuer ses activités de tous les jours. Vous avez vu le témoignage des deux patients qui ont complètement repris la vie comme à la normale. Ils ont fondé des foyers, ils travaillent, c'est-à-dire ils ont été acceptés par la famille, ils ont été acceptés par les employeurs et le fait de leur avoir fait confiance a fait qu'ils redoublent d'énergie et qu'ils prennent conscience que la maladie n'est pas là pour les bloquer, c'est juste un passage de la vie. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons avec cette édition page gouvernance. Le gouvernement du Burundi devrait exploiter d'autres voies pour augmenter les devises dans le pays, soit auprès des investisseurs, soit par le tourisme. Explication de Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM, qui s'exprime après que le Fonds monétaire international n'ait pas décaissé les 200 millions de dollars sur les 261 millions de dollars initialement prévus. Et c'est après un désaccord entre cette institution internationale et le Burundi sur la dévaluation de la monnaie burundaise. Mais pourtant, Faustin Dikoumana estime que la dévaluation de la monnaie burundaise faciliterait les exportations en rendant les produits locaux plus compétitifs sur le marché international, ce qui augmenterait les entrées en devises. On l'écoute. On vient d'entendre que l'accord qui était prévu entre le gouvernement du Burundi et le Fonds monétaire international n'a pas abouti. Et au niveau scientifique, normalement, la dévaluation se fait pour soutenir les exportations, afin de rééquilibrer la balance commerciale. Peut-être quand les opportunités d'exploitation ne sont pas énormes, peut-être ne pas y avoir l'effet escompté. Deuxième élément, il faut voir si le montant que le Fonds monétaire devrait donner au gouvernement pouvait permettre au gouvernement de maintenir peut-être le nouveau prix de la devise qu'on voulait appliquer. Sinon, cet accord vraiment, bon, il pouvait renflouer les caisses de l'État en devise. Et le gouvernement a émis des inquiétudes comme quoi, selon nos sources, que la dévaluation pouvait continuer à aggraver l'inflation sur tous des produits importés par partie du marché officiel, que la dévaluation pouvait entraîner une autre dévaluation à outrance sur le marché parallèle, autant d'inquiétudes exprimées. Toutefois, c'est toujours une brèche qui vient de se fermer. Il faut que le gouvernement élargisse sa marge de manœuvre, voir comment inciter les investisseurs étrangers, les touristes, pays amis, afin de continuer à coopérer avec le Burundi pour que justement il y ait d'autres canaux qui puissent aider le gouvernement à faire face à cette situation. Sinon, d'emblée, on pourrait dire si cette brèche se ferme, qu'il y aura des conséquences, mais auxquelles on est déjà, les conséquences qu'on a déjà vues, c'est-à-dire l'inflation, la crise au niveau de l'importation des produits de première nécessité. Le gouvernement doit faire face à ses responsabilités alors. Mais sinon, je crois bel et bien que, outre les fonds du Fonds monétaire international, le gouvernement aussi devrait multiplier d'autres fonds, la provenance d'autres fonds en devise, pour qu'une fois ça se combine avec ceux peut-être des autres partenaires comme le Fonds monétaire international, ça puisse créer une valeur ajoutée au niveau de l'équilibre du marché de change. Faustin Dekoumana, directeur national de la PARCEM, dont les propos ont été recueillis par Lydie Gahimbare. Je vous l'annonçais en titre, certaines femmes commerçantes de la commune Rugombo en province Cibitoke attestent que ce n'est pas aujourd'hui facile pour elles d'effectuer le commerce local et transfrontalier suite au problème de manque de carburant et de fermeture de quelques parties de la frontière burundo-congolaise et certaines parties entre la province Cibitoke, notamment à Marambo. Toutes demandent aux autorités du Burundi et d'autres pays de trouver solution aux problèmes de coopération. Et Karim Bizoza, gouverneur de cette province, appelle ses commerçantes à trouver une solution alternative par rapport à cette pénurie du carburant. Le point avec Sheila Irambona. Ces personnes sont parmi les commerçantes du marché de Rugombo de la province Cibitoke qui se plaignent que depuis la pénurie du carburant, elles travaillent à perte. Selon elles, avec cette pénurie, leur travail s'est corsé depuis l'approvisionnement jusqu'à l'écoulement de leurs produits et du coup, leurs familles en pâtissent. On s'approvisionne par vélo et aujourd'hui nous payons 8000 francs pour un panier qui était jadis payé 1000 francs. Nous travaillons à perte à cause des dépenses que nous effectuons. Auparavant, je pouvais avoir un bénéfice allant de 20 à 30 000 francs. Je pouvais avoir de l'argent pour la nourriture de mes enfants, pour les faire soigner et l'éducation. Mais tout a été stoppé. Le trophée révélé par ces commerçants depuis la fermeture des frontières avec la République démocratique du Congo du côté de la province Cibitoke. Elles n'arrivent plus à écouler leurs produits facilement et de demander à ce que ce problème de carburant soit résolu et que même les frontières avec la RDC soient réouvertes. On n'amène plus nos produits en RDC et cela fait que nous travaillons à perte. Les Congolais achètent nos produits. Nous demandons que les frontières soient réouvertes pour que nous continuions à vaquer à nos occupations, que le carburant soit disponibilisé afin que les voitures puissent continuer à circuler. Une demande également faite par Edith Irangunda, présidente de l'association des commerçantes faisant le commerce transfrontalier, qui indique qu'avec ce commerce, le pays gagne doublement. Nous demandons que la frontière de Rubenga soit réouverte, car si nous écoulons nos produits à l'extérieur du pays, on gagne deux fois plus. On y amène nos produits et on ramène ici chez nous les produits dont on a besoin. Côté administration, le gouverneur de la province Cibitoke, Karem Mizoza, reconnaît que ces commerçantes font face à certains problèmes depuis la pénurie du carburant. Il leur demande de trouver d'autres alternatives pour pouvoir continuer à travailler. Qu'elles sachent comment se conformer avec les réalités du moment. Nous sommes habitués que les commerçants se plaignent toujours qu'ils travaillent à perte. Ils ne nous disent pas la vérité. Ils disent qu'ils ont acheté un produit 500 pour que tu aies pitié d'eux et qu'ils te donnent 600 francs. C'est vrai, les frontières ont été fermées et ceux qui achetaient ces produits ont diminué et la province le ressent au niveau des recettes. Ceci ne peut pas être une décision unilatérale. Nous devons tout d'abord nous entretenir avec la RDC et les réouvrir par après. Même si cette autorité les appelle à chercher d'autres alternatives, ces commerçantes se demandent comment elles vont faire avec cette pénurie de carburant. car même leurs clients de Bujumbura ne viennent plus acheter leurs marchandises. Au moment où la province de Cibitoke a eu beaucoup de récoltes, que ce soit les tomates ou les mangues, ces commerçantes indiquent craindre que tous ces produits ne périssent sur leur étagère. Sheila Irambona, l'institution de l'Ombudsman a reçu 525 dossiers de réclamation comptant 1462 plaignants. Parmi ces dossiers, 359 ont été jugés recevables, tandis que 166 étaient irrecevables. Sur les dossiers recevables s'ajoutent 98 dossiers qui étaient de 2023. Et c'est pour faire un total de 457 dossiers, dont près de 430 clôturés. Une situation présentée ce lundi par l'ombudsman burundais Melorantine Kanyana devant les députés. Certains députés ont voulu savoir si cette institution est nécessaire au Burundi, d'autres voir la lumière sur le rôle de médiateur collinaire. Une information que nous devons à Jean-Marie Mayonga. Et deux personnes d'une même famille sont mortes la mi-journée de ce dimanche 16 février sur la colline Kavumu, zone Rugari de la commune et province Muyinga, suite à la consommation d'un médicament traditionnel administré d'un fils à son père malade. Amédée Misago, administrateur de la commune Muyinga, interdit désormais la vente ambulante des médicaments traditionnels. Radio Isanganiro, chronique sport. Un arbitre d'un match de volleyball commence son métier d'arbitrage après avoir bénéficié d'une formation dispensée par des experts dans cette discipline. L'arbitrage des matchs internationaux se fait après d'autres formations de niveau international en Égypte et au Maroc, précise Ezekiel Yaranhunze, président de la commission chargée de l'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de volleyball. Plus de précisions avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Un arbitre de volleyball doit être formé et évalué pour pouvoir arbitrer les compétitions locales. Explication d'Ezekiel Yaranhunze, président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de volleyball. Pour devenir un arbitre de volleyball, premièrement, il faut d'abord avoir cette capacité d'arbitrage. Il y a un cours de formation qui s'organise au pays et tu dois faire ce cours et après tu dois faire d'autres formations et tu vas devenir un arbitre de volleyball. Le président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de volleyball indique que pour atteindre le niveau d'arbitre des matchs internationaux, un arbitre de volleyball doit d'abord bénéficier d'une autre formation de niveau international dispensée par les experts de la Fédération internationale de volleyball. Un arbitre international, tu dois avoir d'autres formations internationales. Notamment, pour moi, j'ai fait une formation en 2014 en tant qu'arbitre national de volleyball. Et après, j'ai eu la chance de participer à l'Égypte pour cette formation, pour le deuxième niveau d'un arbitre. J'étais candidat, mais je n'étais pas un arbitre international. Ce qui m'a donné le titre d'un arbitre international, c'est la formation que j'ai récemment eue au Maroc, qui m'a qualifié pour devenir un arbitre international. Ezekiel Yaranhunze se réjouit en outre de l'étape déjà franchie par les arbitres burundais, du fait qu'ils ont pu arbitrer lors des compétitions internationales de volleyball. Volleyball de sable qui se sont déroulés à Bujumbura successivement en 2023 et en 2024. Je salue le niveau des arbitres de volleyball du Burundi parce que vous avez constaté qu'on a organisé les compétitions internationales de beach volley récemment en 2023 et en 2024. Ce sont des arbitres burundais qui ont presté pour les matchs. C'est vraiment une chose très admirable parce que cela a donné du point pour le pays, pour la fédération nationale. Je salue très bien les arbitres burundais, les arbitres du volleyball parce qu'ils sont donne école et âme pour que le volleyball burundais soit à un niveau très satisfaisant. Les amateurs de volleyball qui s'insurgent contre les arbitres suite à la méconnaissance des règles légissant au volleyball constituent un défi majeur qui hante le métier d'arbitrage de volleyball au Burundi. Le défi, c'est ce que les acteurs du volleyball ne connaissent pas les règles officielles, notamment les règles régissant le volleyball en général. C'est le défi majeur qu'on a vraiment enregistré ici à Bujumbura et même au niveau national. J'ai eu la chance de contacter la Fédération burundaise de volleyball et elle a accepté qu'on va organiser un atelier de formation pour les journalistes, pour les coachs des équipes, pour les capitaines, tout acteur et toutes les parties prenantes au volleyball burundais, pour que les règles officielles soient connues pour tout le monde. Malgré cela, lorsqu'un arbitre commet des erreurs d'arbitrage, il est puni conformément à la loi régissant le jeu de volleyball. Pour la société, s'il y a un déviant, il peut être sanctionné. Même si l'arbitre commet une erreur et la commission d'arbitrage réalise que l'arbitre commet une erreur d'une façon quand même que le match n'a pas bien déroulé, il peut être sanctionné. C'est le corps arbitral, c'est la commission d'arbitrage qui va sanctionner cet arbitre. Ezekiel Yaranhunze affirme que les arbitres burundais de volleyball se comportent bien d'une façon générale, du fait qu'aucun n'a été révoqué dans le corps d'arbitrage suite au mauvais comportement. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaïo qui assurait parfaitement la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir. Mireille Kanyangi.